Dimanche 29 août, nous sommes dans Bleu Nature, toujours, et cette fois-ci avec Jean-Michel Mamman qui nous a rejoint pour les balades à travers le pays, à travers cette France qui est belle et magnifique, et en plus c'est le dernier rendez-vous. Bonjour Jean-Michel. Bonjour Cyril. Jean-Michel Mamman, je le rappelle, c'est le directeur de la rédaction des guides Balado, et encore une belle idée de sortie aujourd'hui, direction cette fois-ci la Normandie pour un labyrinthe. Pour semer ses enfants à la fin de l'été. C'est-à-dire quand ils vous ont bien embêté pendant les vacances, vous les emmenez au labyrinthe de Bayeux. Tout à fait, et là on les lâche au milieu de 5 hectares de maïs, mais bon, on va quand même un peu... Attention, géant vert là. Oui, en plus, géant vert, donc on va quand même un peu nous occuper d'eux dans cet immense labyrinthe végétal qui est truffé de fausses pistes. Donc avec des enfants de 4 ans et plus, dès qu'ils arrivent, on vous remet un plan à l'entrée et il ne s'agit pas simplement de leur dire d'aller gambader au milieu des épis de maïs, mais vraiment de... De se retrouver, c'est qu'il y a un objectif. Oui, il n'y a pas un, il y en a 10. Il y a 10 objectifs qui sont à atteindre, tous en relation avec la nature. Donc en plus du plan qui vous est remis à l'entrée, il y a un questionnaire qui invite votre enfant à chercher le thème du parcours. Donc c'est vraiment un parcours à la fois ludique, il ne s'agit pas de courir dans tous les sens bêtement, c'est un parcours d'orientation qui conduit l'enfant à différentes clairières où des histoires lui sont contées et 5 questions sont à chaque fois posées. Donc au fur et à mesure qu'il trouve les énigmes qu'il répond, ça lui permet d'avancer d'une étape à l'autre. Ça se trouve à quel endroit donc ce labyrinthe de Bayeux? C'est à la ferme de la Frenée, dans le Calvados, à Molles précisément. Il faut savoir qu'on laisse l'enfant plutôt être guidé par son sens de l'observation et de l'espace. C'est vraiment intéressant, ça dure bien 2 heures. On est très nombreux à se perdre. Et les parents, ils sont obligés d'accompagner les enfants quand même? Oui, tout de même, parce que l'intérêt c'est de le faire en famille, mais on va se laisser guider par le gosse. Donc on va plutôt le suivre et puis voir comment est-ce qu'il découvre tout ça. Il y a aussi des bruits, puisque des micros sont cachés dans les maïs, donc des fois ça le met également sur des fausses pistes. Donc ah, oui. C'est là où ça pousse l'enfant à avoir plutôt un sens de l'observation. De l'écoute, etc. Exactement. Ça se fait que de juillet à septembre. Donc il faut y aller vraiment avant que ça ferme. Alors c'est près de Bayeux, c'est le labyrinthe de Bayeux, en Normandie, l'entrée de ce parcours. C'est 7,50€ pour les adultes et puis pour les enfants de 4 à 11 ans, c'est 6,50€ et c'est gratuit pour les moins de 4 ans. Et ce qui est quand même aussi intéressant à noter, c'est qu'un parcours à thème est proposé chaque année. Donc ça permet de retourner sur le lieu en se disant qu'on n'a pas déjà fait exactement la même chose. Que deux jours, j'imagine. Ça se pratique que deux jours parce que d'aller chercher votre gosse que vous avez perdu en pleine nuit, je vous assure que c'est difficile. Oh, ils auraient pu éclairer un peu partout sur le parcours, mais bon. Ok. C'est pas de la spéléologie non plus, c'est juste un parcours labyrinthe. Jean-Michel Mamman, donc le rappel, alors des coordonnées une dernière fois. La ferme de la Frenée, dans le Calvados, à Molles, et vous trouvez tout ça également sur balado.fr. Vous avez tout dit, Jean-Michel Mamman. On retrouve également les renseignements et le détail sur FranceBleu.com. Jean-Michel Mamman, merci. Merci pour cet été, pour votre présence. Merci. Et puis bonne balade à tous. Merci.